J'ai des photos où je suis prise avec les musiciens, ils veulent toujours me prendre avec eux. Voilà. Et là, c'est des grands noms, très grands noms du jazz français, là aussi. Et là, c'est un musicien américain, batteur, qui est venu. Et je suis allée le chercher à la gare. Lui, il est arrivé le matin et on a été manger pas loin de la tour du Löggenaar. Et alors, il dit, c'est quoi cette tour? Alors, je lui explique ce que c'est que cette tour. C'est l'histoire de Jean Bart, sous Louis XIV, qui a fait atterrir les Anglais en bateau, atterrir, c'est pas le mot, en bateau. Il a fait croire que c'était un phare. Et les bateaux, la France était en état de famine, et il fallait que Jean Bart, qui était soldat du roi, enfin, pas soldat, comment on peut dire, marin, en tout cas, avec son bateau, il a fait atterrir les Anglais là, qui croyaient que c'était un phare. Et ils se sont rués sur le bateau anglais pour prendre la farine, et Jean Bart a sauvé la France de la famine. Voilà, c'est la légende qui. Et c'est pour ça qu'il y a, au moment du carnaval, une chanson sur. Voilà. Alors je lui explique tout ça, et du coup, eh bien, voilà, le soir, il m'a composé ça, voilà, une partition de ce jeune batteur, voilà, c'est John Hatfield, et il a, voilà, dédié à Françoise de Vienne. C'est la tour, voilà, la tour des menteurs, et c'est moi qui lui ai raconté l'histoire. Le soir, j'ai eu un cadeau, et ils ont joué sur scène la tour des menteurs. Voilà, c'est mes rapports avec les musiciens. Voilà, ils m'aiment bien et moi je les aime bien. Et on parle musique et on parle. Voilà, ils se sentent bien accueillis et tout va bien.